Voici l'histoire d'un jeune de chez nous, qui après avoir subi une folie subite au fond de sa cervelle, se mit à faire des parodies sur des mangas. Qui est-il? Que veut-il? Le monde sera-t-il débarrassé de lui? Quand est-ce que ce sera Noël? Et quand est-ce qu'on bouffe? Il va nous le dire, ici même. Ichi ni sanchi. Sayonara.